Gustavo Adolfo Bécquer, Les feuilles sèches. Le soleil venait de se coucher. Les nuages déchiquetés qui passaient sur ma tête s'amoncelaient les uns sur les autres aux limites de l'horizon. Le vent froid des soirées d'automne faisait tourbillonner les feuilles sèches à mes pieds. J'étais assis au bord d'un chemin sur lequel il en passe plus qu'il n'en revient. Je ne sais à quoi je pensais. Je ne sais même si je pensais à quelque chose. Mon âme, avant de se lancer dans l'espace, tremblait comme tremble l'oiseau, qui agite légèrement ses ailes avant de prendre son vol. Il est des moments où, grâce à une série d'abstractions, l'esprit se soustrait à tout ce qui l'environne. Se repliant alors en lui-même, il analyse et comprend les mystérieux phénomènes de la vie interne de l'homme. Il y en a d'autres où il se détache de la chair, cesse d'être personnel, se confond avec les éléments de la nature, entre en rapport avec leur manière d'être et peut traduire leur incompréhensible langage. Je me trouvais dans un de ces derniers moments, quand, seul au milieu de la vallée découverte, j'entendis parler de moi. Qui parlait ainsi? Deux feuilles sèches, et voici à peu près leur étrange dialogue. D'où viens-tu, ma sœur? Je viens d'errer avec le tourbillon, au loin, dans l'interminable plaine, enveloppée d'un nuage de poussière, et au milieu d'autres feuilles sèches nos compagnes. Et toi? Moi, j'ai suivi quelque temps le courant de la rivière, puis le vent d'aval m'a arraché aux bouses et aux joncs du rivage. Et où vas-tu? Je l'ignore. Le vent qui m'emporte ne le sait pas lui-même. Hélas, qui eût dit que, jaunes et sèches, nous serions traînés à terre, nous qui, parés de couleurs et de lumière, vivions en nous balançant dans l'air. Te souviens-tu des beaux jours de notre éclosion, de cette tranquille matinée où le bouton rebondit, qui nous servait de berceau, se rompant aux doux baisers du soleil, nous nous sommes épanouis comme un éventail d'émeraudes? Oh, qu'il était agréable de nous sentir balancés par la brise, au-dessus de la terre, et de humer par tous les pores l'air et la lumière. Oh, qu'il était beau de voir courir l'eau de la rivière, léchant les racines tortillées du vieil arbre qui nous soutenait. Cette eau limpide et transparente reproduisait comme un miroir le bleu du ciel, de sorte que nous semblions vivre suspendus entre deux abîmes azurés. Avec quel plaisir nous nous haussions au-dessus des vertes frondaisons pour voir notre image reproduite dans l'eau tremblotante. Comme nous chantions ensemble, en imitant le murmure de la brise et en suivant le rythme de l'onde. Les plus brillants insectes, déployant leurs ailes de gaz, voltigeaient autour de nous. Et les papillons blancs et les libellules azurées, qui tournoyaient par les airs, en décrivant des cercles capricieux, s'arrêtaient sur nos contours dentelés. Là, ils se contaient les secrets de leurs mystérieuses amours, amours d'un instant qui consument leur vie. Chacune de nous était une note dans le concert des bois. Chacune de nous était un ton dans l'harmonie des couleurs. Les nuits de lune, quand la lumière argentée de l'astre glissait sur la cime des montagnes, te souviens-tu comme nous causions à voix basse au milieu des ombres diaphanes? Et nous chuchotions, émus, les histoires des sylphes, qui se balancent au fil d'or suspendu par les araignées entre les branches. Mais nous interrompions notre monotone causerie pour écouter, ravis, les plaintes du rossignol qui se posait sur notre arbre. Ces plaintes étaient si tristes et si douces que l'aube nous surprenait en pleurs, et pourtant nous les écoutions avec plaisir. Oh, qu'elles étaient douces, ces larmes engendrées par la rosée de la nuit, et qui brillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, aux premières lueurs de l'aurore. Vint ensuite la bande joyeuse des chardonnerets, remplissant le bocage de vie et de bruit. Quel sabbat, quelle confusion de chants! Et ce couple amoureux, qui suspendit à côté de nous son nid, tout rond, fait d'herbes et de plumes. Nous abritions les petits contre les gouttes d'eau qui les auraient incommodés pendant les orages de l'été. Nous leur servions de dés et les préservions aussi contre les importuns rayons du soleil. Notre vie passait comme un songe doré sans soupçon du réveil. Une belle après-midi, que tout souriait autour de nous, que le soleil couchant embrasait l'horizon, que de la terre légèrement humide s'élevaient des effluves de vie et des parfums de fleurs, deux amants s'arrêtèrent sur le bord de l'eau, au pied de l'arbre qui nous supportait. Non, jamais ce souvenir ne s'effacera de ma mémoire. Elle était jeune, presque une enfant, belle et pâle. Il lui disait tendrement « Pourquoi pleures-tu ? » « Pardonne-moi cet involontaire sentiment d'égoïsme, » lui répondit-elle en essuyant une larme. « Je pleure sur moi, je pleure la vie qui m'échappe. » Quand le soleil se couronne de rayons de lumière, que la terre s'habille de verdure et de fleurs, que le vent apporte des parfums, des chants d'oiseaux et des harmonies lointaines, que l'on aime et que l'on se sent aimé, la vie est bonne. « Et pourquoi ne vivrais-tu pas ? » reprit-il tout ému en étreignant ses mains. « Parce que c'est impossible, quand ces feuilles, qui murmurent harmonieusement sur nos têtes, tomberont desséchées, moi aussi je mourrai, et le vent emportera, un jour, leur poussière et la mienne. Qui sait où ?» Je l'entendis, toi aussi tu l'entendis, et nous frissonnâmes sans rien dire. Nous devions donc nous sécher, nous devions donc mourir, et voltiger, emportés dans les tourbillons du vent, muettes et pleines de terreur, nous attendîmes la nuit. Oh, quelle horrible nuit ! Pour la première fois, le rossignol manqua au rendez-vous et ne charma pas sa compagne de ses plaintes amoureuses. Bientôt, les oiseaux s'envolèrent, et avec eux, leurs petits, parés de plumes. Le nid abandonné se balança lentement et tristement comme le berceau vide d'un enfant mort. Puis s'enfuirent les papillons blancs et les libellules azurées, abandonnant la place aux noirs insectes qui venaient ronger nos fibres et déposer dans notre sein leurs horribles larves. Oh, comme nous gémissions au contact glacé des gelées blanches de la nuit! Nous perdîmes notre couleur et notre éclat. Nous perdîmes la grâce de nos formes, tout ce qui, jadis, en nous touchant, produisait comme un murmure de baisers. Un chuchotement de paroles amoureuses se changea désormais en un bruit rude, sec, désagréable et triste. Et enfin, détachés de notre branche, nous volâmes. Le passant nous foula sous ses pieds avec indifférence. Toujours entraînée de ci, de là, au milieu de la poussière ou de la fange, je me suis sentie heureuse de pouvoir me reposer un instant dans une profonde ornière du chemin. Moi, j'ai fait des évolutions sans fin, entraînée par le courant, et j'ai vu, dans ma longue pérégrination, seule, sombre, habillée de deuil, contemplant d'un regard distrait l'eau qui coulait et les feuilles sèches qui indiquaient sa marche, j'ai vu l'un des amoureux, dont les paroles avaient éveillé en nous le pressentiment de la mort. Elle aussi a quitté la vie, et, peut-être, dort-elle dans une fosse nouvelle, sur laquelle je me suis arrêtée un moment. Ah, elle dort et se repose enfin. Mais nous autres, quand arriverons-nous au terme de notre long voyage? Jamais. Déjà le vent, qui nous a accordé un moment de repos, recommence à souffler. Je frémis en me sentant enlevé de terre et obligé de le suivre. Adieu, ma sœur. Adieu. Le vent, qui s'était tu un instant, siffla de nouveau et les feuilles, soulevées dans un tourbillon confus, se perdirent de vue, au milieu des ténèbres de la nuit. Je pensais alors à une chose dont je ne puis me souvenir, et quand même je m'en souviendrai, je ne trouverai pas de mots pour l'exprimer.